quand j'aurai fini de t'embrasser. J'aurai envie de recommencer. Prépare tes lèvres, je viens de me relancer. Tu te mets à sourire comme si mon humour n'était pas rassis. Je serais tombé si je n'étais pas assis. Tu passes ta main dans mes longs cheveux. Elle reste coincée dans un nœud. Ce moment aurait été merveilleux s'il avait existé juste un peu. Quand j'aurai achevé ce baiser, tu seras toute chose comblée, du beau papillon envolé. Tu m'avoueras que tu m'aimes. Ça sonnera comme un poème si on partait à Angoulême. Tu passes ta main dans mes longs cheveux. Elle reste coincée dans un nœud. Ce moment aurait été merveilleux s'il avait existé juste un peu. Juste pourtant, essayer d'une fois.